Chapitre 13e, Frères et sœurs. Lorsque Célestine Marbot se vit nantie de l'acte d'opposition formé contre la demande en interdiction qu'avait faite la duchesse, elle comprit qu'il fallait avant tout soustraire le jeune duc à l'influence de sa famille. Elle n'eut pas de peine à le décider à s'installer dans sa villa de Ville-d'Avray. Le soir du même jour, elle prétexta une promenade à pied au parc Monceau. Elle sortit avec Octave, complètement remis du malaise que lui avait causé ses libations immodérées de la liqueur verte. Une fois arrivée devant le parc, elle prit une voiture et se fit conduire à la gare Saint-Lazare. Là, elle monta dans un wagon de première classe avec sa victime, et trois quarts d'heure après, ils arrivaient à Ville-d'Avray. À 11 heures du soir, Célestine était seule de retour rue de Courcelles, et Octave de Vallombreuse s'endormait heureux, bercé par la promesse fallacieuse qu'elle lui avait faite de le visiter 2 fois la semaine dans sa solitude. Le pauvre garçon était escamoté, et l'actrice se trouvait ainsi maîtresse du terrain. La duchesse n'avait pas vu Octave depuis 4 jours. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il s'était présenté la veille à l'hôtel et qu'il l'avait quitté brusquement, sans prononcer un mot. 4 autres jours se passèrent et il n'avait point reparu. L'inquiétude de la malheureuse mère se changea en désespoir. 1000 suppositions, plus douloureuses les unes que les autres, se succédaient et se heurtaient dans son esprit. « S'il s'était tué, se disait-elle quelquefois, puis elle ajoutait, « C'est moi qui aurais causé sa mort en voulant le faire interdire. » Et elle fondait en larmes. Ève et Marcel n'étaient ni moins alarmés ni moins désespérés que leur mère, mais elles se cachaient d'elle avec le plus grand soin pour se confier leurs alarmes et pleurer en silence. Les choses en étaient là lorsqu'un matin Maurice de Lavernay a couru à l'hôtel de la rue de Varennes. « Eh bien, qu'avez-vous appris depuis hier? Savez-vous enfin ce que mon fils est devenu ?» lui dit la duchesse en lui tendant la main. « Hélas non !» répondit le jeune magistrat, « mais ce que je puis vous affirmer sur l'honneur, madame, c'est qu'il n'a point attenté à ses jours. » La pauvre mère laissa exhaler un soupir de joie. « Et ce n'est pas le seul renseignement positif que j'ai recueilli, » continua Maurice. « Vous ne vous étiez point trompé, madame la duchesse. Cette Célestine Marbot n'est qu'un instrument au service de Flavia Morin. »« Ah !» fit madame de Vallombreuse en pâlissant. « Toutefois, l'action de Flavia n'est pas directe. Elle a pour intermédiaire des agents dévoués. » Ainsi, Célestine Marbot obéit aux instructions de Sieur Martineau, son amant, m'a-t-on dit, lequel lui-même n'est qu'un comparse dans cette sinistre comédie, et il se borne à exécuter les ordres que lui transmet l'ancienne institutrice de vos filles. « Mais c'est un véritable complot, » murmura la duchesse avec terreur. « Un complot des mieux organisés, et d'autant plus redoutable qu'il est, pour ainsi dire, impalpable. Quelle preuve avez-vous que mon fils existe ? » ?»« Une preuve concluante. » Il vient de faire opposition à votre demande en interdiction. Ah, Octave, et il ne reculera devant qu'un scandale pour se soustraire à votre autorité maternelle. L'homme d'affaires qu'il a choisi l'indique suffisamment. Malheureux enfant, dit la duchesse en levant les yeux au ciel. Mais enfin, que veut donc cette Flavia? Reprit-elle. Est-ce ma fortune? Je suis prête à la lui abandonner, pourvu qu'elle laisse intact le nom et l'honneur de ma famille. Savez-vous, madame la duchesse, ce que je ferais si j'étais à votre place? Lui dit Maurice de Lavernay. Que feriez-vous? J'irais droit à Flavia, et je lui demanderais la cause d'une hostilité aussi persistante, aussi implacable. Madame de Vallombreuse sentit un frisson courir par tout son corps. Un moment la voix lui manqua. Pour répondre, « Moi, aller trouver mon ancienne salariée, » dit-elle ensuite. M'abaisser à traiter avec elle, de puissance à puissance, et c'est vous, Maurice, qui me donnait un semblable conseil. Dans les cas désespérés, madame, répliqua gravement le jeune magistrat, il faut chercher le salut sans se préoccuper des moyens. Si cette démarche, et je le comprends jusqu'à certains points, répugne à votre légitime orgueil, poursuivit-il, vous n'avez qu'un mot à dire. Je pars sur le champ pour le chalet de Saint-André, et je serai bien contraint, dont mademoiselle Morin, à m'expliquer le mobile de sa conduite. La duchesse, en entendant ces paroles, pâlit, tout son sang se glaça et reflua vers son cœur. Si vous étiez le mari d'Ève, répliqua madame de Vallombreuse après un silence, si vous étiez son mari, au lieu de n'être encore que son fiancé, j'accepterais votre offre, mais à quel titre vous présenteriez-vous devant cette Flavia, C'est moi qui irai la trouver, c'est moi qui l'interrogerai. Me permettrez-vous au moins de vous accompagner ? Sans doute. Vous avez quitté si brusquement votre tante et le baron qu'ils ne doivent savoir que penser. Quel jour vous convient-il de fixer pour notre départ ? La duchesse se recueillit pendant quelques instants, puis elle répondit. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Si vous le voulez, nous partirons samedi. Vous aurez donc tout le temps nécessaire pour annoncer ma prochaine arrivée à votre père et à Mademoiselle de Lavernay, que je n'ai pas vue depuis plusieurs années. De cette façon, Flavien Morin ne soupçonnera pas le véritable motif de ma présence dans la Haute-Savoie. J'aurai l'air de la rencontrer par hasard et les convenances seront ainsi gardées. Ah, samedi donc, à moins que je n'apprenne du nouveau, dit Monsieur de Lavernay, en portant respectueusement à ses lèvres la main de la duchesse de Valambreuse. Pendant que ces événements se passaient à Paris, le bonhomme Truaz, mettant à profit les conseils de Flavia, avait inflexiblement tenu son coffre-fort fermé au baron de Lavernay. Et chose non moins grave, il avait menacé de lancer le papier timbré s'il n'entrait pas très prochainement dans ce qui lui était dû. D'un autre côté, Athénaïs, sollicité à diverses reprises de vendre son vieux manoir, avait si bien rembarré son frère qu'il n'osait plus revenir à la rescousse. Enfin, la vieille fille, qui était allée passer un mois aux eaux de Saint-Gervais, en était revenue plus jeune et mieux portante que jamais. Elle semblait avoir fait un nouveau bail avec l'existence. Ainsi, tous les plans formés par le baron, afin de relever l'édifice de sa fortune, se trouvaient déjoués, et dernier coup de massue, l'assurance sur la vie de sa sœur allait être annulée, faute de quelques billets de 1 000 francs pour la renouveler. À mesure qu'approchait l'échéance du paiement de la police annuelle et le délai fixé pour la vente du château, le baron devenait plus inquiet, plus sombre. Ses habitudes d'intempérance s'accentuaient chaque jour avec plus d'énergie. Le soir, après dîner, il emportait dans sa chambre une bouteille d'eau-de-vie dont il buvait à petites gorgées, et Brigitte constatait le lendemain matin que la bouteille était aux 3/4 vide. La scène que nous allons raconter se passait, par une étrange coïncidence, le soir du jour où la duchesse de Valambreuse avait décidé avec Maurice de Lavernay qu'il partirait le surlendemain pour la Haute-Savoie. La vieille pendule de boule de la salle à manger marquait 9 heures et le souper venait de s'achever. C'était l'instant où, d'ordinaire, Athénaïs se retirait dans son appartement. Brigitte avait desservi et se disposait à aller prendre son repas à la cuisine. « Mon frère, » dit Athénaïs au baron, « l'orage de ce matin m'a beaucoup fatigué. J'ai besoin de me reposer et je vous quitte. »« Faites, ma sœur, » répondit Monsieur de Lavernay. Puis s'adressant à la vieille servante, « Brigitte, vous porterez le café et le cognac dans ma chambre. » Brigitte prit le plateau qui était sur la table et elle s'éloigna suivie de sa maîtresse. Lorsque le baron fut seul, il sortit de sa poche un tout petit flacon, le déboucha avec précaution et vida son contenu dans la soupière où était le reste du potage. Cela fait, il se leva et se rendit dans sa chambre à coucher. Quelques instants après, Brigitte rentra, emporta la soupière à la cuisine, versa ce qui restait du potage dans une de ces écuelles en terre dont on se sert à la campagne, et il se mit à table. Cette soupe a un singulier goût, dit-elle dès les premières cuillerées, et après une réflexion, elle ajouta. Cependant, mademoiselle la trouvait bonne. Elle prit un verre de piquette pour se faire bonne bouche et continua son repas en l'arrosant de temps à autre de petits coups de vin, mais sans parvenir à enlever le goût désagréable du potage. Lorsqu'elle eut terminé son souper, elle se sentit comme engourdie. Ses paupières étaient pesantes et ses yeux se fermaient malgré tous ses efforts pour les tenir ouverts. J'ai trop bu de piquette, pensa-t-elle. Elle m'a porté à la tête. Le lit arrangera tout cela. Demain, il n'y paraîtra plus. Elle quitta lentement et non sans peine sa chaise, prit un chandelier, sortit de la cuisine et s'appuyant contre la muraille, elle gagna, à moitié endormie, le cabinet dans lequel elle couchait. Le baron, lui, ne dormait pas. Le cabinet dans lequel couchait Brigitte servait le jour de communication entre la chambre à coucher de Mademoiselle de Lavernay et le salon. La nuit venue, et dès que la vieille demoiselle reposait, Brigitte, comme un chien qui veille sur le sommeil de son maître, s'installait sur une couchette devant la porte de cette chambre, de sorte qu'il aurait fallu lui passer sur le corps pour arriver jusqu'à sa maîtresse. Le lendemain, aussitôt levée, elle enlevait son lit et le petit cabinet était rendu à sa destination primitive. la sœur de l'aide Athénaïs se trouvait prise d'un besoin si impérieux de sommeil que ce fut après des difficultés sans nombre qu'elle fit, tant bien que mal, son lit. Elle se déshabilla ensuite, se laissa tomber sur sa couchette et s'endormit bientôt d'un lourd sommeil, sans même avoir pensé éteindre sa lumière. Lorsque le baron de La Vernay fut dans sa chambre, il but coup sur coup plusieurs verres d'eau-de-vie, alluma sa pipe, et bien que la pluie, qui n'avait pas discontinué depuis le matin, eut rafraîchi le temps, il ouvrit sa fenêtre, car il étouffait et de larges gouttes de sueur coulaient de son front. « Comme il fait chaud ce soir, » murmura-t-il. Puis, ainsi qu'il arrive aux gens dominés par une idée fixe et qui se parlent à eux-mêmes, il poursuivit. « Le plus difficile est fait. » Brigitte dort d'un sommeil de plomb, et le château s'écoulerait, qu'elle ne se réveillerait pas. Il fit une pause et, distrait un moment de sa pensée par le spectacle grandiose qui se déroulait à ses pieds, il sonda du regard les profondeurs du fier, dont les eaux grossies bondissaient mugissantes et illuminées par les éclairs qui sillonnaient le ciel. « Décidément, reprit-il ensuite, mon plan est admirablement conçu, et c'est une inspiration de génie. Nul soupçon qui puisse s'élever contre moi, nul indice qui dénonce mon crime, nul œil humain qui le voit s'accomplir. Demain, lorsqu'on entrera dans la chambre de ma sœur, on la croira endormie. Puis on s'étonnera de la persistance de son sommeil. On lui parlera, elle ne répondra pas. Alors on ira chercher un médecin, et le médecin se trouvera en présence d'un cadavre refroidi depuis plusieurs heures. » Le baron quitta la fenêtre, s'en retourna la bouteille d'eau-de-vie, remplit son verre à plusieurs reprises et le vida. « C'est étrange, » fit-il en se secouant. « Je suis trempé de sueur, comme si j'étais en plein soleil, et je me sens glacé, et rien ne peut me réchauffer. » L'horloge d'un clocher voisin sonne à 10 heures. « Allons, il faut en finir, » dit-il d'une voix sourde. Il fit quelques pas. Tout à coup, il s'arrêta. « Si le narcotique n'avait pas agi, » poursuivit-il, et toujours se parlant à lui-même, « si Brigitte allait m'entendre, s'éveiller, si, malgré l'obscurité, elle me reconnaissait et appelait à son aide, sa voix arriverait jusqu'à Thibault qui couche au-dessus de l'écurie, et il accourrait, briserait les volets ou enfoncerait la porte, et je serais perdu. Assurons-nous d'abord que Brigitte dort. » Il prit son flambeau, sortit de sa chambre et traversa le salon d'un pas mal affermi. Un enfant, ce moment, lui fait tomber. Lorsqu'il fut arrivé près du cabinet dans lequel était installé le lit de Brigitte, il posa son flambeau à terre et entr'ouvrit avec précaution la porte. Un rayon lumineux vint frapper ses yeux. Épouvanté, il recula, éteignit sa bougie et regagna sa chambre à tâtons. « Damnée fille, » grommela-t-il, « elle n'aura pas touché à son potage. » Une fois dans sa chambre, il laissa sa porte toute grande ouverte et il prêta l'oreille. Aucun bruit ne se faisait entendre. Il en conclut que Brigitte ne s'était point éveillée. Il continua à écouter, toujours le même silence. Alors, il sortit en rampant comme une bête fauve, traversa de nouveau le salon et parvint ainsi jusqu'à la porte du cabinet. Il l'ouvrit. Le rayon lumineux brillait toujours. Il avança discrètement la tête et regarda. Brigitte dormait profondément, et si ce n'eût été le bruit de sa respiration, on aurait pu la croire morte. « Tout s'explique, » pensa le baron de La Vernay, et s'est endormi si brusquement qu'elle n'a pas eu le temps d'éteindre sa lumière. Il entra dans le cabinet. « Ai-je tout ce qu'il me faut ? » dit-il en mettant vivement la main dans la poche de sa veste de chasse. « Oui, » fit-il, « à l'œuvre maintenant. » Il se blessa, souleva deux mains la couchette de Brigitte et désobstrua la porte de la chambre à coucher d'Athénaïs. Cela fait, il attendit, regarda autour de lui et écouta. La vieille servante dormait toujours, et le silence de la nuit n'était interrompu que par le bruit de la pluie ruisselant sur les volets des fenêtres. Alors, et avant de franchir le seuil de la porte, il tira de sa poche un flacon et un mouchoir de fine batiste. Il imprégna le mouchoir de la liqueur incolore que renfermait le flacon, et aussitôt une odeur âcre, se répandant par toute la pièce, signala la présence de cet agent mystérieux que la science a récemment découvert, le chloroforme. En même temps, il prit un objet long, noir et aigu, qui était fixé au parement de sa veste. Au moment où il pénétrait dans la chambre de sa sœur, un chien fit entendre un de ses hurlements prolongés, qui d'ordinaire annonce que la mort va entrer dans une maison. » Il frissonna et de nouveau s'arrêta. « Jamais je n'oserai, » dit-il. Puis après un silence, il murmura. « J'ai soif. Buvons encore pour me donner du courage. » Il regagna le salon, revint dans sa chambre, prit la bouteille d'eau-de-vie par le goulot et acheva de la vider d'un seul trait. « Ah ! Je n'ai plus froid, » fit-il en portant une main à sa poitrine. « J'ai chaud maintenant, trop chaud !» En quelques enjambées, il traversa l'espace qui le séparait de la chambre à coucher de sa sœur et ferma la porte derrière lui. Deux ou trois minutes s'étaient écoulées à peine lorsqu'il la rouvrit. Rien n'indiquait ce qui s'était passé pendant ce court laps de temps. Aucune goutte de sang sur ses vêtements, pas un cri poussé dans la chambre de Mademoiselle de Lavernay. Il referma la porte et replaça devant le lit de Brigitte. La vieille servante fit un mouvement. Prompt comme l'éclair, le baron souffla sa bougie, se déshabilla et se mit au lit. « À présent, attendons à demain, » dit-il.